À l'époque, on se contentait de rien. On marchait les baskets trouées, je m'en suis jamais plaint. À l'époque, on se contentait de rien. On roulait dans des épaves, on n'était jamais le plein. À l'époque, personne croyait en moi. On se vannait dans le train, ça je sais, ça je sais. Tu vois toutes tes portes se fermer, ne rêve plus que les yeux pour pleurer. Pour voir la chance s'en mêler, croyez-moi j'ai tout essayé. J'ai dû purger mes peines, souvent la daronne a de la peine. Certains s'ouvrent les veines, un jour mon frère j'ai pris les rênes. J'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Le crime t'éduque quand la misère t'élève. Je m'endors défoncé, je trébuche dans mes rêves. Frère, je viens de loin et ça, les vrais le savent. J'ai vendu lacets, je sais couper la save. Je les laisse ouvrir leur gueule, mais je sais. Ouais, en vrai, je sais. La prison pour moi n'a plus aucun secret. Ouais, je sais, on est parti de rien, rap avec des bracelets. Ouais, je sais, on aurait pu s'enlacer, on aurait pu tout essayer. Mais pour le faire ensemble, on aurait pu tout essayer. À l'époque, on se contentait de peu. Famille nombreuse et bruyante sonnait comme des coups de feu. À l'époque, on se contentait de peu. Le chauffe-eau casse, c'est pour ça qu'on jouait avec le feu. À l'époque, ils nous couraient après. Et pour nous faire tomber, ça je sais, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Yeah. Souvent je me sens pousser des ailes, reine à perdre, maman est au ciel. Quand je vois ses fusils braqués sur moi, chaque index me rapproche d'elle. Bâtiment F ou bâtiment B, j'ai laissé ma vie en chantier. C'est haineux pour me faire couler. Oh, on vraiment tout essayé, tout essayé. J'ai vraiment tout essayé, j'ai pris des gifs. Laisse-moi écrire des lignes pendant que d'autres les sniffent. Pour maquiller mon succès, je marche seul dans la nuit. Les secondes sont des graines, j'attends que le temps porte ses fruits. Frérot, je viens de loin et ça je sais. Ouais, au fond je sais, mais isolé, allocation coupée. Je viens d'en bas, ouvrez là, je vous en veux pas. On se sait, drôle de parcours. Et pour sortir de là, mon frère, j'ai vraiment tout essayé. J'aurais vraiment tout. J'aurais tout essayé.